L'original de la bande, épisode 2, 2010, vers Jupiter et au-delà. Oh, tu aimes ça la musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Mais vous êtes un original. Je préfère original à anormal. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'original de la bande, le podcast qui vous fera entendre raison sur les musiques de films rares, mal considérés et parfois même détestés. Je suis Alexis, votre serviteur à toute heure, que vous écoutiez cet épisode de jour comme de nuit. Après la version d'Alex North de 2001, l'Odyssée de l'espace, poursuivons notre voyage spatial avec sa suite réalisée par Peter Iams, 2010, l'année du premier contact. Évidemment, après le film culte de Stanley Kubrick, le compositeur David Shire ne pouvait commencer autrement, et nous également, qu'avec le basique, l'iconique. Ainsi parlait Zarathoustra. En 1982 est publié l'ouvrage 2010 Odyssée 2. Arthur C. Clarke, l'auteur britannique derrière 2001, s'est lancé dans une deuxième expédition spatiale à la recherche du fameux monolithe. Le livre 2010 est d'ailleurs plus une suite au film de Kubrick plutôt que de son propre livre. Les lecteurs qui ont parcouru la saga savent de quoi je parle, car d'un tome à l'autre, Clarke arrange la continuité à sa convenance, préférant les changements opérés par Stanley Kubrick. 2010 Odyssée 2 ouvrait une voie royale pour une suite au cinéma. Thank you. Vous venez d'entendre Earth Space, le morceau qui nous fait la transition de la Terre à l'espace dans le long métrage réalisé par Peter Iams en 1984. Vous le comprendrez avec le prochain morceau que la tonalité de ce second opus est plutôt penchée vers l'électronique. Rappelons que le film date de 1984, soit 2 années seulement après la publication du livre, et pile dans la période où les Giorgio Moroder et autres Tangerine Dream donnent la tendance des bandes originales. Bien que celle de 2010 semble éloignée dans le style de celle de 2001, le compositeur américain David Shire n'est pourtant pas un spécialiste du genre électronique. Sa carrière, commencée 13 ans plus tôt, en 1971, n'a vraiment rien d'un catalogue pour synthétiseur. Ses travaux les plus marquants remontent sans doute à l'année 1974 avec les films Conversations secrètes de Francis Ford Coppola et Les Pirates du métro de Joseph Sargent. C'était Bowman, oui, comme David Bowman, l'astronaute disparu à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Sans trop de révélations, il est évidemment question de lui dans 2010, l'année du premier contact. Parlons un peu du film d'ailleurs, qui mérite d'être réhabilité dans l'ombre colossale de son aîné. Il faut le resituer dans son contexte de sortie, où l'URSS s'ouvrait un peu sur le monde suite à la politique menée par Gorbatchev à l'époque. Car 9 ans après l'année 2001, Russes et Américains préparent chacun de leur côté une mission spatiale vers Jupiter pour retrouver le vaisseau Discovery et comprendre ce qu'il s'est passé. Finalement, les Russes seront prêts les premiers, mais proposent une mission conjointe en invitant des Américains à bord de leur vaisseau, le Leonov, sous les ordres du commandant Tanya Kirbuk, alias Hélène Mirren. Responsable de la mission du Discovery, le Dr Floyd, second rôle chez Kubrick et incarné désormais par Roy Scheider, emmène avec lui le concepteur du Discovery, incarné par John Lithgow, et celui de HAL 9000, le fameux ordinateur machiavélique, tenu par Bob Balaban. Et dont l'aide sera précieuse quand ils retrouveront évidemment le premier vaisseau, orbitant entre Jupiter et son satellite Io, sur cette musique intitulée « Reactivating Discovery », qui finit, je trouve, par adopter les mêmes accents minimalistes, mais ultra efficaces, d'un certain John Carpenter. Thank you. le comparer, évidemment que tous prendront 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Mais 2010 ne démérite pas et vaut largement le coup d'être revu et reconsidéré par le grand public. Car s'il est une commande des studios MGM, on peut considérer cette suite comme un film d'auteur. En effet, en plus de celle de réalisateur, Peter Iams a porté dessus les casquettes de scénariste, producteur et directeur de la photographie. Dites-moi si aujourd'hui, à Hollywood, qui peut prétendre avoir une telle influence sur son film en cumulant autant de postes clés ? Si vous avez l'occasion, laissez-vous porter par 2010, le livre comme le film d'ailleurs, car là encore, le long-métrage diffère de l'ouvrage, notamment avec son épilogue sur lequel, personnellement, je porte ma préférence sur la version de Peter Iams, clôturée par ce superbe final de David Shire, intitulé Nova, New Worlds. Sur ces dernières notes, je ne peux que vous recommander, bien sûr, de vous procurer ces sons d'exception de manière tout à fait légale. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode. Le podcast L'Original de la Bande est à retrouver sur tous les réseaux sociaux, de tous les internets, ODLB Podcast tout attaché. Alors qu'une nouvelle adaptation de Robin des Bois, apparemment toute pétée, sort au cinéma, rendez-vous au prochain épisode qui, lui, reviendra sur la musique du fameux Robin des Bois de Ridley Scott. D'ici là, gardez les oreilles grandes ouvertes.